suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, quand la création raconte le sida, une série de Didier Roth-Bettoni réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a un auteur qui devient documentariste, avec ses souvenirs et ses morts. Il y a aussi des images, des films, des textes et des chorégraphies qui constituent la mémoire du sida. Il y a une génération sacrifiée, de la politique, de l'activisme et des mots qu'on n'oubliera pas. T4, Kaposi, Séropo, Cancer Gay, AZT, Act Up. Mais il y a aussi des archives qui manquent et d'autres qui abondent. De ces journaux intimes rescapés de la grande peste, de ces œuvres, de ces articles et de ces gestes qui disent les traitements et les piluliers géants. Alors pour commencer, les personnages. Des cinéastes qui documentent, un journaliste militant qui voulait informer, d'autres qui voulaient fermer les yeux, des malades isolés, un militant qui fabrique de l'histoire, des patients experts, des parachutistes remplis d'adrénaline, un documentariste énervé et l'ombre de Jacques Demy. Ensuite, le décor. Une histoire d'amour, la vraie vie dans les films, la trithérapie, des inégalités internationales, une consultation médicale, des prises de sang, la panique, l'invention de l'autosupport, des effets secondaires, des deuils occultés, des larmes et des promesses non tenues. Aujourd'hui, troisième épisode, on retourne au cinéma. J'avais jamais fait ça avant. Je veux dire, c'est la première fois comme ça, tu comprends ? Tu veux dire à l'impact ? Bah ouais. Non, parce que bien sûr, j'ai eu un copain pendant quelques mois et... Bah, on s'emmerdait pas, hein, c'est normal. Mais comme ça... Et c'est la première fois. C'était bon, hein. Meilleur même, tu trouves pas ? Moi, en tout cas, je préfère. Et avec toi, c'était vraiment bien. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Tu déconnes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as enculé sans capote, c'est ça ? Tu m'as enculé sans capote. Putain. Non mais, t'as quoi dans la tête ? Putain, mais... Mais t'es complètement taré ! Putain, mais t'as pas deux ans, putain ! C'est pas la première fois que tu vas baiser dans un bordel ! Putain, mais c'est pas vrai ! Bon. On va appeler Sida Info Service. Il faut nous dire ce qu'il faut faire. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, voilà, je crois que je viens d'enculer un mec sans capote. S'il est séropositif ? Je pense que oui. Enfin, oui, il l'est. Les urgences... Ouais, Saint-Louis, ça va ? Je suis juste à côté. Prioritaire, vous dites. Je le dis à l'accueil. AES, simplement. Ils comprendront. Ah, d'accord, ouais, je leur dis que j'ai eu un AES. On va à Saint-Louis. Ils disent qu'il faut qu'on y soit tous les deux. Non, tu viens pas avec moi. Elle m'a dit que c'était mieux. Elle t'a dit que c'était nécessaire ? Non, mais que c'était mieux. Alors, si c'est pas nécessaire, je préfère y aller tout seul. J'ai juste voulu savoir ce qu'il fallait. J'ai fait une connerie, j'assume. J'ai pas besoin que tu me tiennes la main. Tu m'en veux ? Je sais pas, peut-être. Faut quand même qu'on échange nos numéros. Hey, ils vont me donner un rendez-vous pour faire le point sur le traitement d'attaque. Et ils auront besoin de connaître mes bilans, donc il faut que tu puisses me contacter, c'est tout. Je t'écoute, 06. Non, 07. 07 ? C'est un numéro plutôt récent, je l'ai changé. Ok, alors 07. 06. Bah, faudrait savoir, 07, 06 ? Mais 07, 06, c'est mon numéro. 07, 06, 86, 77, 99. Okay. Et l'inconnu s'appelle Hugo. Théo. On n'a jamais voulu faire, qu'on a pu lire dans la presse, un film qui soit un clip de prévention. Ça n'a absolument rien à voir. Mais enfin, après tout, que les gens puissent apprendre des choses dans des films, pourquoi pas, quoi. Et effectivement, on a... Enfin, moi, j'ai... Jacques Martineau. Des gens qui sont venus voir et m'ont dit, je savais même pas que ça existait. Ça fait quand même pas 3 ans que ça existe, hein, les traitements post-exposition. C'est très ancien. Donc je dis, bon, si on a appris à quelques personnes on a le droit de paniquer, mais que... Tout va bien et que si on prend bien son traitement post-exposition, il y a à peu près aucune chance d'être séropositif après, c'est déjà pas si mal. Et oui, ça nous a semblé relativement important parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont... après, c'est, vous voyez, on marche pas comme ça. On se dit pas, tiens, on va faire un sujet sur le traitement post-exposition. On avait envie de faire cette histoire d'amour, de la raconter, tout ça. Et puis à un moment, on trouve aussi un enjeu dramatique. Voilà. Et cet enjeu dramatique était là, et au moment où on l'est entre les mains, on s'est dit, bah oui, c'est vrai, on n'a jamais vu aucun film dans lequel on voit des personnages qui vont aux urgences, à qui on donne ce traitement, à qui on explique comment ça marche. Voilà, nous on trouvait que c'était un joli sujet, oui, et puis une vraie épreuve pour l'amour, comment ça marche quand ces choses se passent, comment celui qui a peur d'être contaminé réagit, c'est très lourd quand même de prendre ces traitements, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à croire que ça se prend comme de l'aspirine, mais enfin c'est vraiment pas du tout le cas, ça rend malade, enfin, puis ça fait peur. En fait, psychologiquement, c'est très dur comme situation. Entrez, asseyez-vous. Quand la création raconte le sida, traiter les traitements. Didier Rodbetoni, Nathalie Batus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un AES. Un AES, oui, j'ai vu. C'est-à-dire? Un préservatif qui a craqué. D'accord. Entre tous les deux, vous êtes le partenaire? Oui, le partenaire sexuel. D'accord. Et je suis séropositif. D'accord. Vous prenez une trithérapie? Oui, je suis sous traitement. Ouais. D'accord. Ouais. Vous avez fait des bilans récemment? Oui, il y a moins de 3 mois. Et est-ce que vous connaissez votre charge virale? Oui, elle est indétectable. D'accord, bon, ça c'est un point positif. Et vous, monsieur, est-ce que vous connaissez votre statut? Oui, je fais mes dépistages souvent. Et d'accord. J'en ai fait un il y a 2 mois. Qui était... Bah, tout va bien. Négatif. Ouais. D'accord. Je prends pas de risque. Juste pour préciser, qui était actif dans le rapport? J'étais actif. D'accord. Quand le préservatif a craqué, est-ce que vous vous êtes retiré tout de suite? Non, je me suis pas retiré. D'accord, donc il y a eu éjaculation. D'accord. Dans tous les cas, vu que monsieur est séropositif, il y a indication à un traitement, donc une trithérapie d'urgence. L'idée, c'est qu'on évite que le virus se réplique dans votre organisme. Donc c'est un traitement qui est assez lourd, hein, pendant 28 jours. Il y aura 3 comprimés à prendre tous les jours à heure fixe, toutes les 24 heures. Voilà. Vous êtes d'accord pour prendre cette trithérapie? Oui. Bon, je vais chercher les comprimés, puis je vous explique ça tout de suite. On s'est rendu compte à quel point, en fait, la situation française était particulière. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment des témoignages... Olivier Ducastel. Super touchants et intéressants. Enfin, je pense quand on est allé à Saint-Pétersbourg, par exemple, où ils nous ont raconté que... Oui, on va leur dire, effectivement, on va leur faire une ordonnance. Et il va falloir qu'ils se débrouillent pour trouver dans la nuit les traitements quelque part dans la ville, dans une pharmacie ouverte, en payant les yeux de la tête. Parce qu'il n'y a pas de pharmacie hospitalière pour les leur délivrer... Et c'est vrai que là-dessus, c'était pire que ça, Saint-Pétersbourg, ce qu'ils nous ont raconté. Les traitements post-exposition existent, mais si c'est une exposition sexuelle, c'est pas remboursé. Si c'est un accident, et surtout si c'est des hétéros, ça va. Mais les homos, c'est pas remboursé. Alors, les 28 jours de traitement, c'est tellement cher, parce que c'est des milliers d'euros, ces gens-là, ils peuvent pas. Donc, en gros, ils se sont organisés par réseau de séropos, et ceux qui sont séropositifs et qui ont des traitements, en fait, ils donnent aux associations des restes de leur traitement, de façon à ce que les gens puissent avoir des traitements post-exposition gratuitement, quoi. Situation tragique. Puis moi, je l'ai présenté au Mexique, moi, j'ai eu des gens en larmes, hein. Mais je rigole pas. Les gens, ils sortaient, ils étaient en larmes. On dit, mais ça existe, des pays comme ça? Vous foutez pas de notre gueule, vraiment? Quand on va à l'hôpital, on est reçu comme ça? Je dis, bah oui, dans 95% des cas en France, un homosexuel qui dit, bah voilà, j'ai eu un traitement, enfin, j'ai été exposé au virus du sida, on le fout pas en prison, enfin, et les médecins sont gentils, enfin, et les Mexicains, ils y croyaient pas, hein. Vraiment, ils étaient, enfin, vraiment, enfin, donc voilà. C'est compliqué, hein. Je vais vous expliquer. Donc, il y a une bouteille d'eau et une madeleine. Parce qu'il vaut mieux manger en même temps et prendre le traitement. Ensuite, donc là, il n'y a que pour 4 jours. Il faut que dès lundi, vous reveniez au centre de dépistage, ici, à l'hôpital Saint-Louis. L'idéal, c'est que vous veniez avec vos bilans. Oui, lundi, c'est bon. Voilà. C'est bon, lundi. Ouais. Lundi matin, on fera des nouvelles prises de sang. Le médecin que vous allez voir, donc, il va décider si vous continuez le traitement ou pas, s'il va voir si vous le tolérez bien. Les effets secondaires qu'il peut y avoir, c'est surtout au niveau digestif, donc des nausées, des diarrhées, et puis éventuellement une fatigue. Si vraiment vous le tolérez pas, on peut changer. Mais a priori, c'est des symptômes qui s'améliorent. Voilà. Okay. C'est essentiellement les premiers jours. Alors, on va commencer du coup dès maintenant. Alors, un de chaque couleur. Aujourd'hui, et après vous prendrez le reste. Donc je commence par manger? Oui, si vous voulez. en entier. L'histoire du sida, ce n'est pas qu'une histoire de morts et de vivants. C'est aussi celle de mots, de sigles, de noms de médicaments, de pilules, de concepts médicaux, de symptômes, de peurs plus ou moins fondées, d'effets secondaires incontrôlés. L'histoire du sida, c'est celle des traitements et de leurs évolutions, de cette terminologie aux noms barbares, AZT, interféron, antiprotéase, rétrovirus, trithérapie, post-exposition, PrEP. Raconter le sida, ce fut donc, et c'est encore, s'emparer de ces termes et des réalités qu'ils reflètent, de ces traitements, si longtemps inexistants ou inefficaces, avant qu'en 1996, l'arrivée sur le marché des trithérapies vienne enfin tout bouleverser pour les séropositifs et les malades, et redonner des perspectives, un espoir, un avenir, jusqu'alors inimaginable. Et donc les trois, je vous laisse faire tout donc ça. Donc un de chaque. Oui. L'art, bien sûr, la littérature comme le cinéma, mais aussi la presse, ont eu à prendre en compte ces changements, à les enregistrer, à les transcrire, à en donner à lire et à voir les échos dans la vie intime, sociale ou sexuelle de leurs personnages. Il y a ainsi une culture sida d'avant l'écrithérapie et une d'après, aux enjeux dramatiques et aux modes de représentation profondément différents. Depuis leur premier film en 1998, Jeanne et le garçon formidable, Olivier Ducastel et Jacques Martineau ont eu à cœur de consigner dans leur fiction ces états mouvants du sida au fil des traitements, depuis les temps tragiques d'avant l'écrithérapie, qu'il recrée dans Né en 68, jusqu'à ce moment très contemporain des traitements post-exposition dans Théo et Hugo dans le même bateau, sorti en 2016. Donc je vous laisse le kit. Composé de comédies musicales, de drames, de chroniques, de romances et de comédies, leur œuvre documente aussi de façon assez unique les étapes de cette histoire médicale du sida, tout en trouvant à chaque fois une forme cinématographique nouvelle pour traiter à l'écran ces traitements. Mais vous pouvez vous faire accompagner lundi, je vois que là vous êtes tous les deux, donc c'est bien si vous le soutenez dans cette épreuve. Mais ça va bien se passer parce qu'on est dans des bons délais. Si vous prenez le traitement tous les jours à 24 heures d'intervalle, voilà. On a vraiment de grandes chances que le virus ne se réplique pas dans votre organisme et qu'à la fin vous restiez séronégatif. Hein. D'accord. Merci. Merci. Je vous en prie. Christophe Martet est journaliste dans cette presse gay qui, dès l'origine, a dû s'adapter à la maladie et à son récit en en proposant d'autres approches et d'autres regards que le reste des médias. Activiste de la lutte contre le sida, il a également été président d'ACT UP Paris. Je suis gay et séropositif depuis 1985. Ça me paraît important parce que j'aime bien dire d'où je parle. C'est vrai qu'il a été nécessaire face à l'immense silence, on parlait de silence assourdissant, notamment des médias grand public, de permettre aux personnes séropo, mais aussi à leur entourage, enfin à tous ceux qui s'intéressaient à la question du sida dans la communauté, alors gay et LGBT au sens large, d'avoir des espaces professionnels dans la presse communautaire, donc des articles rédigés par des journalistes, des enquêtes, des reportages, ce qui ne se faisait pas ou peu. On parle là de la fin des années 80 et début des années 90, ça se faisait encore très peu dans la presse généraliste. Donc il nous a fallu inventer cette nouvelle forme de journalisme quelque part pour traiter d'une question qui relève aussi de l'intime, de la maladie, etc. Donc ça a été effectivement un défi quand même pour la presse, surtout que c'est un sujet, le sida, qui... dans la communauté gay faisait, alors je n'ai pas envie de dire controverse, mais les gens n'avaient pas forcément envie qu'on leur parle de ça. Quand Guépier publiait les premiers articles, on voyait même qu'au sein de la rédaction de Guépier, au début des années 80, il y avait une forme de réticence de certains journalistes ou certains rédacteurs de l'époque de traiter de cette question. Moi-même, je cite toujours cet exemple d'une brochure réalisé par l'Association des médecins gays et encarté dans Guépier, pour moi c'est en 83, où on nous expliquait que finalement le sida, bon, ça avait été quelque chose qui était là, mais finalement, alors il se trouve que cette année-là, les cas de sida déclarés avaient été moins importants d'un semestre sur l'autre, et donc on en avait conclu rapidement que ça y est, c'était passé. D'ailleurs, c'était ce qui était écrit à la lettre S, il y avait sida en passe d'être jugulé. Voilà. Donc il y avait quand même une forme, effectivement, de... Alors j'aime pas... employer le mot déni, parce que la communauté gay était peu informée de ce qui se passait. Mais en tout cas, de réticence, parce que c'est aussi, encore une fois, un sujet qui touche au corps, à l'intime, à la sexualité. Et donc, y compris dans la communauté gay, ce n'était pas forcément des sujets qu'on abordait. Aux États-Unis, on n'en finit plus de parler du sida. ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux États-Unis, le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout trois catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués et les haïtiens. Tout cela est bien étrange. L'enquête de notre correspondant à Washington, Edouard. Ici même à Washington, où les autorités municipales ont donné l'ordre à tous les médecins de communiquer à l'Institut national de la santé les noms de leurs patients atteints de cette maladie, sous peine de se voir infliger une amende de $300 et 90 jours de prison. 644 morts en deux ans sur les 1641 cas officiellement enregistrés. Mais le problème est que chaque mois, je dis bien chaque mois, on en compte 165 de plus, dont 70% chez les homosexuels, et que les médias ne font rien pour calmer la panique. Par exemple, cette émission de télévision à Dallas, au Texas, où un prêtre, dans sa chronique journalière, a publiquement mis en garde toute la population, et de cette façon. Beaucoup d'homosexuels sont dans la restauration. Qu'est-ce qui nous prouve qu'en touchant la nourriture, ils ne transmettent pas la maladie à leurs clients? Ou encore ce commentaire d'un médecin. Si on est contre les porteurs d'une maladie, il faut les isoler, que ce soit des vaches, des singes ou des homosexuels. Et désarmés devant ce qui les touche essentiellement, les milieux homosexuels s'organisent aujourd'hui de San Francisco à New York pour réclamer ouvertement, dans les rues, une aide du ministère de la Santé. Alors, les espaces de parole, c'est quelque chose qui naît quasiment avec les premières associations de lutte contre le sida, parce que voilà, les personnes atteintes veulent pouvoir échanger et ne pas se sentir seules. Ça rejoint quelque part, alors est-ce que c'est parce que c'est la communauté gay qui est la plus touchée, mais ça rejoint un petit peu quand même cette idée que quand vous vous découvrez gay, je suis attiré par les garçons, ou je suis lesbienne, je suis attiré par les filles. Enfin, très souvent, c'est l'expérience assez commune de se dire, mais on est tout seul au monde en fait. On n'a pas de représentation, on n'a personne à qui s'accrocher. On se dit, mais voilà, on a l'impression d'être tout seul. Et c'est un peu la même chose avec les séropositifs. À partir du moment où vous vous retrouvez dans un groupe où finalement, les problèmes que vous vivez, les questions que vous posez, etc., sont partagés par d'autres, déjà, c'est une forme de meilleure acceptation déjà, et puis de soulagement, parce que vous vous dites, je ne suis pas tout seul là-dedans, ces questions peut-être un peu dingues que je me pose, mais d'autres se les posent, sur la vie, sur la mort, sur qu'est-ce que je vais devenir, etc. Bon, sur ma sexualité, sur ma vie avec les autres, sur comment le dire, le pas le dire, bon. Donc tout ça, et c'est vrai que ça se retrouve dans la presse communautaire, sous forme notamment de témoignages. Parce qu'il fallait donner une image aussi, un visage à l'épidémie. C'était le grand déficit qu'on avait au fin des années 80, c'est que bien souvent les malades, ils étaient masqués, ou alors on le disait pas, ou alors c'était des malades très médiatiques, comme Hervé Guibert, comme Jean-Paul Aron. Donc des personnes qui ont eu le courage de le faire, et c'était très important pour elles de le faire, mais à qui vous ne pouviez pas vraiment vous accrocher, parce que c'était des personnes loin de vous. Enfin voilà, un philosophe, un artiste, etc. C'était pas forcément votre voisin de palier, quoi. Ce qu'on sent bien en vous écoutant, Christophe Martet, c'est à quel point il a fallu à la fois créer des espaces, que vous disiez, mais aussi s'approprier un vocabulaire et créer une façon de parler de la maladie en utilisant des signes, en utilisant des noms de médicaments. C'est devenu un langage très spécifique, parler du sida dans la presse aussi. Et d'ailleurs, au-delà de la presse, même dans la littérature, ce qu'on pourrait appeler la littérature sida, il y a aussi cette obligation de passer par le biais d'un langage, d'une novlangue d'une certaine manière. Quel a été le travail dans cette direction-là? Le travail pour faire comprendre, connaître tous ces termes scientifiques qui paraissaient un peu abscons, c'était pas que des mots, c'était aussi des concepts, c'était aussi des théories ou des résultats de recherche qu'il fallait expliquer, parce que comment fonctionne tel ou tel organe, comment fonctionne le VIH dans tel organe, ou quelle est l'action de ce médicament en particulier sur le VIH. Tout ça, c'est des mécanismes et oui, des concepts scientifiques et des données scientifiques qu'il fallait expliciter de façon très précise auprès des malades. Mais c'était bien sûr, encore une fois, dans l'idée que le malade devait se retrouver à égalité avec son médecin, ou en tout cas qu'il devait avoir les informations avec lui ou avec elle, pour qu'elle puisse après aussi ne pas se sentir démunie face au médecin, ou face même à des personnes qui, dans les services sociaux, leur refusaient le statut d'handicapé ou de renouveler leur statut d'handicapé, parce que bah, c'est vrai, quand vous dites « je suis fatigué », oui d'accord, je suis fatigué, mais on peut dire beaucoup de gens sont fatigués. Il y avait une fatigue spécifique, une fatigue qui vous prend, qui vous saisit, qui vous cloue quasiment au lit, et ça peut durer une journée comme ça peut durer plusieurs jours, qui est une fatigue qui peut être aussi une fatigue presque, j'ai envie de dire, des traitements ou des effets secondaires de certains traitements, enfin... Mais ça, c'est des choses assez spécifiques, ou même le fait d'avoir des diarrhées, c'est pas forcément quelque chose de très glamour quand vous en parlez avec votre médecin. Et en même temps, bon, quand ça vous prend dans la rue, vous dites, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc là, il fallait vraiment pouvoir donner toutes ces informations et expliquer effectivement aux patients que oui, c'était important de bien connaître les effets de chacun des traitements que vous preniez, pour aussi pouvoir les contrer. Vachement peur, mais c'était super excitant. Oh, j'en reviens pas que les flics nous aient même pas embarqués. Attends, il est pas fou, Mitterrand. Il a jamais fait aucune déclaration sur le sida. Mais c'est que ça la fout mal d'envoyer des malades au poste. Surtout moi, avec les 54 T4 qui me restent. Putain, 54, mais c'est énorme. T'as des réserves pour faire plusieurs années de tôle. Moi, j'en ai 12, imagine. Et toi, t'en as combien? Le mois dernier, j'en avais 250. Et toi? Moi, je suis Ronag. Et toi, Boris? Eh ben moi je suis Siropo et j'ai 500 T4. Capitalisme. Et toi? 105. Ah bah, c'est de la marge. Battu. C'est en arrivant sur l'écriture que là je me suis vraiment, vraiment, vraiment pris une baffe. C'est-à-dire que tout d'un coup, de me rendre compte que j'étais déjà en train de traiter cette époque que j'avais vécue et qui est encore très présente, c'est-à-dire le début des années 90, comme un sujet historique. Et en fait, en plus, en ayant mis Act Up, c'est-à-dire que les personnages qui sont à l'intérieur, en fait, c'est moi. En fait, moi, j'ai trouvé ça assez violent, en réalité. Et surtout, les moments où, en fait, on aurait dû montrer, par exemple, nos personnages allant voir nos propres films. Parce qu'en bonne logique, c'est évident qu'ils sont allés voir Jeune garçon formidable et Drôle de Félix. C'est pas possible qu'ils soient pas allés le voir. Et je me disais, ça, on peut pas le faire parce qu'on va nous accuser de choses comme ça. Mais en même temps, c'était vraiment, en fait, une expérience très, très, très bizarre. Et surtout, assez brutal en fait, c'est-à-dire de tout d'un coup se regarder soi-même comme appartenant déjà à l'histoire, enfin quelque chose qui était révolu, voilà. Moi ce qui m'inquiétait c'est que ce savoir s'était perdu à l'intérieur de la communauté homosexuelle. Moi j'ai vu chez des jeunes gays, 25, 35 ans, complètement bouleversés, découvrant Act Up et la lutte, comme ça, et moi je l'ai regardé, je me dis mais comment vous avez pu perdre cette mémoire, enfin c'est incroyable, je veux dire, c'est assez stupéfiant, et je pense que nous, les vieux là, on ne comprend pas qu'ils découvrent. Ça nous paraît incroyable que cette mémoire se soit déjà si vite effacée, quoi. Bon, alors oui, bah, j'espère que nos films y contribuent à maintenir cette histoire un peu vivante. Voilà. On peut espérer que Néon 68 va repasser cette année à la télé, puisque quand même, c'est les 50 ans. Hein. Donc, Qu'est-ce que c'est? C'est mon dernier bilan sanguin. Ah, et alors? Bah, tu vois bien. Mais non, je comprends rien à tout ça. La charge virale est devenue indétectable. Ça veut dire que la trithérapie marche encore mieux que prévu. Ça fait même pas un an, Ludmila. Ça fait même pas un an que Christophe est mort. Tu te rends compte? Même pas un an. Un des fondateurs de Tétu, c'était quand même Didier Lestrade, donc fondateur, cofondateur d'Act Up. Donc c'était, ça paraissait tout à fait normal d'informer sur cette question centrale, même si, alors en 96, la presse généraliste s'était emparée du sujet. Et puis il y avait eu même des opérations de sensibilisation, notamment le SIDAction, qui a fait que, j'ai envie de dire, le SIDA est entré dans tous les foyers. Tout le monde a pris conscience que le SIDA existait à ce moment-là. Enfin, moi, c'est la réflexion que j'avais, y compris de personnes dans ma famille, qui me disaient, ah ben, on n'avait pas perçu l'importance de cette épidémie. Donc, le cahier de Tétu Plus, c'était vraiment, encore une fois, des sujets pointus, des enquêtes journalistiques, des témoignages, qui manquaient en revanche pas mal dans la presse généraliste. Et à chaque fois aussi, on avait la dernière page. Donc, c'était en général 5 pages, voire plus. Et la dernière page était consacrée à l'interview d'un chercheur, d'un médecin, d'un membre d'une association, pour faire le point sur un sujet bien précis. Et parfois assez polémique, assez notamment sur les effets secondaires des traitements. Moi, j'ai le souvenir d'avoir interviewé un médecin, Thierry Saint-Marc de Lyon, sur les effets très délétères de certains traitements, le Zérit, qui à l'époque était méga prescrit. Moi-même, j'en prenais, beaucoup de gens prenaient, dans des combinaisons de médicaments. Et en fait, il avait constaté ces fameuses lipodystrophies, donc où les personnes devenaient, enfin, avaient un visage totalement cadavérique, ou alors avec des lipodystrophies au niveau du corps, donc le corps des femmes qui se masculinisait, le corps des hommes qui devenaient, enfin voilà, avec des gros ventres, etc. Donc le traitement était efficace et en même temps, il rendait très visible la maladie. C'est un vrai paradoxe dans ces années-là, les premières générations des antiprotéases. Et là encore, il a fallu expliquer pourquoi, comment il faut faire pour contrer ces effets secondaires. Parce qu'il faut s'imaginer, les visages qu'on avait, c'était vraiment des visages de rescapés. Enfin voilà, on était très très maigres. Bon, c'était très bizarre. Parce qu'à la fois, on était en bonne santé et en même temps avec un visage qui avait l'air d'être quelqu'un de très malade, très vieux. Enfin, qu'on perdait les boules de bichat, ça s'appelle les boules de bichat, on a des boules de graisse comme ça sur les joues, et on les perdait, donc ça donnait un visage très creusé. Eh bien, ça a fait un peu scandale, hein. Donc, y compris même chez les scientifiques, chez les médecins, son angle de recherche ou ses travaux ont été mal perçus parce que on s'attaquait à un labo, on s'attaquait à un médicament très efficace, et en même temps, quelques mois, quelques années après, il a fallu interdire quasiment ce médicament parce qu'effectivement, on avait la certitude qu'il était très délétère. Et puis, pour toujours aussi aller dans cette idée qu'il fallait une presse communautaire et il fallait des journalistes impliqués pour traiter de ces sujets vraiment de façon très pointue. Là, à partir de 96-97, on a la certitude qu'avec les antiprotéases, on arrive vraiment à écraser la charge virale et à faire que les personnes vivent une vie quasiment normale. Mais du coup, ça donne aux médecins une super puissance, quelque part, qu'il fallait effectivement contrer parce que se posaient d'autres problématiques, à la fois sur le plan médical, bien évidemment, mais aussi des problématiques sociales, tout simplement parce que des personnes qui n'avaient pas travaillé pendant des années, comment on faisait, comment on travaillait son CV pour pas faire apparaître des trous dans son CV, ou comment on se réappropriait aussi une vie professionnelle. Et une vie sexuelle, une vie amoureuse, qui parfois avait été mise un petit peu entre parenthèses, à la fois parce que la maladie était là et que sur la libido, ça a un impact, la maladie, ou parce que, effectivement, crainte de contaminer, des choses comme ça. Donc il fallait aussi réexpliquer tout ça et soutenir les personnes dans ces trajectoires-là, de retour quelque part à une vie, entre guillemets, normale. Tu rencontres un garçon qui t'aime et tu lui offres ton amour. Tu sais que ce ne sera pas sans problème, que ça durera pas toujours. Mais il y a le sida qui s'en mêle, et tu sais qu'il va en mourir. Alors tu l'aimes de plus belle, tu veux l'empêcher de souffrir. Mais l'amour n'est pas un remède pour ce que cette mort attend. Le truc de Jeanne, c'est qu'évidemment, c'est un premier film et il s'inscrit dans une époque qui est très très différente aussi, même pour moi, puisque quand je l'ai écrit, j'étais encore militant d'ACT UP. Et donc Jeanne, c'était plutôt, enfin, mon intention, c'était plutôt effectivement de faire d'abord et avant tout un mélodrame qui fasse pleurer. Parce que je trouvais que quand même, il y avait une chose qu'on n'avait pas assez vue et assez dite, c'était la souffrance qu'avait été cette épidémie, elle avait été niée, et de raconter comme ça aux gens, leur disant, mais attendez, c'est d'abord et avant tout des drames humains, c'est d'abord et avant tout des gens qui meurent, et quand même, c'est pas parce que c'est des pédales ou des toxicos que c'est pas triste quand même, enfin voilà. Et donc je voulais que les gens sortent de la salle en pleurant. Comme une veuve de 100 ans qui a cousu dans son linceul son mari. Il me semblait que ce témoignage manquait. C'est-à-dire ce témoignage sur qu'est-ce que ça a été ces années SIDA, qu'est-ce que ça voulait dire pour toute une génération de perdre les gens proches, de perdre des amants, on ne l'avait pas vraiment montré. Je dis ça, allez, on va au bout. Mais Drôle de Félix était déjà écrit quand on a sorti Jeanne. Combien d'amis, combien d'amants mourront encore dans le silence, mourront si misérablement. On ne peut plus vivre dans nos rêves, tous ces fantômes autour de nous disent que quand un PD crève, c'est bien simple, tout le monde s'en fout. Excuse-moi, j'ai un peu glacé la conversation. Non, c'est moi qui étais complètement idiote. Mais c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. À part se battre pour que ça cesse. Moi, c'est ce que je fais, je suis ACT UP depuis 4 ans, tu connais. Oui, je vous ai vu à la télé. Bah, faudrait nous voir en vrai, c'est mieux. Tiens, par exemple, il y a une manif samedi prochain, tu pourrais venir. Ouais, bien sûr, j'essaierai. Tu trouveras pas le temps, j'ai l'habitude. Jeanne! Mais c'est quoi tout ça? Oh, Jeanne, c'est la manif de la journée du désespoir, je t'en ai parlé. Et ça, c'est ACT UP, on est dans la rue pour gueuler un peu. Ah bah, vous avez raison, c'est bien, faut gueuler, moi je suis à fond avec vous, ça peut pas continuer comme ça. On peut pas traverser là. En fait, Jeanne, c'est un film que j'ai écrit, après, je vais pas expliquer, mais de façon très impulsive, parce qu'à l'époque, j'étais encore membre d'ACT UP Paris, et j'étais pas du tout réalisateur, et j'ai eu envie de raconter cette histoire. C'est vrai que j'ai écrit la première version, c'était 94. C'est-à-dire qu'en gros, le temps que le film arrive sur les écrans, il y avait déjà eu une première évolution qui était l'arrivée des trithérapies. Alors, le film enregistre l'arrivée des trithérapies, mais le personnage meurt quand même. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à la fois ce film était nécessaire, donc on a vraiment voulu le faire comme ça pour clore d'une certaine façon un moment de l'épidémie qui a été le pic épidémique du début des années 90, rappeler les morts, rappeler la tristesse qui avait été la nôtre. Et en même temps, immédiatement au moment où on est en train de le faire, est née la nécessité d'en faire un autre pour contrecarrer une partie du discours du film, qui était un discours justement dans lequel les séropositifs mouraient, alors qu'en 98, les trithérapies avaient rouvert un nouvel espace de vie. Et du coup, c'est là que Drôle de Félix est arrivé, comme presque antidote au discours de notre propre film. C'est une fille joyeuse, Jeanne. Et alors, c'est mal? Non, non, non. C'est rare, c'est tout. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Merci, moi aussi, je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Hier, pas grand-chose. Je me sentais pas très bien, je suis restée chez moi. Mais aujourd'hui, je suis sortie, je suis allée à la manif. Mais tu vas souvent, ces manifs? J'y vais de temps en temps, je me sens concernée. Pourquoi t'as tes amis séropos? Je suis séropositif. En fait, moi, j'étais par contre extrêmement préoccupé de l'héritage de Jacques Demy. Et en fait, c'était plutôt ça ma source de stress. C'était plutôt, oulala, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure? Voilà, quand on va montrer le film, est-ce que la distance qu'on aura prise avec Demy sera la bonne? Est-ce qu'on va nous reconnaître le droit à une filiation, un héritage? Ou est-ce qu'on va se faire démolir, quoi? Je pense vraiment que cette préoccupation vraiment purement esthétique est liée, effectivement, et très cinématographique. Je me rassurais avec l'histoire, avec les personnages, avec le fait que je savais que l'histoire qu'on racontait était documentée, que les sentiments des personnages me semblaient justes. Et moi, alors franchement, comme j'étais un militant d'ACT UP un peu couillon, quand même quand j'ai écrit le scénario, sur la page de garde, j'avais mis à Jacques Demy et à tous les autres morts du sida. Parce que pour moi, tout le monde savait que Jacques Demy était mort du sida. Quand j'étais un peu couillon, je ne savais pas que ça n'avait jamais été dit officiellement. Donc on l'a effacé, quoi. Dans mon idée, ça devait être sur... Voilà, il devait avoir un écran noir et écrit que le film était un hommage, non seulement au réalisateur, mais au fait qu'il était mort du sida. Et en fait, c'est parce que Mathieu était un copain de notre producteur, et il nous a dit, vous avez jamais pensé à Mathieu pour le rôle? Et là, j'ai bondi dans son bureau, j'ai dit, mais t'es un grand malade. D'ailleurs, on va pas demander au fils de Jacques Demy qui est mort du sida de jouer ce personnage. J'ai dit, mais c'est hors de question, c'est dégueulasse, c'est obscène ce que tu me dis là. Et donc il en a parlé à Mathieu, et Mathieu a absolument voulu nous rencontrer et nous a dit, alors qu'à l'époque encore Agnès Varda n'avait pas vraiment rendu public la maladie de Jacques, il a dit, je suis au courant depuis très peu et je veux faire ce film pour ça. Et à partir de là, j'ai pu accepter. Voilà, on était prêt à affronter ce truc là et que Mathieu dise officiellement, non, je l'ai fait justement parce que j'ai eu envie de rendre cet hommage à mon père. Mais franchement, on s'est mis dans une situation de con. Franchement, on a fait Jeanne, mais on était très inconscients. Hein. Vraiment, mais ce film, c'était fou. Que je mourrais du sida. Vous aussi, vous prenez une bithérapie? Non, moi, c'est une tri. Mais le Combivir, là, c'est deux médocs en un. C'est nouveau. C'est vachement bien. Ah, ça doit être pratique. Excusez-moi, je vous demande ça parce que mon médecin vient de me proposer de passer à la trithérapie, puis j'hésite encore. Ça a l'air contraignant. Vous comprenez, ça fait 2 ans que je suis straight. Moi, je commence seulement à m'habituer. Je voudrais un rendez-vous pour le mois prochain. Puis je sais pas, ça me rassure de savoir qu'après la bille, je peux encore essayer la tri. Duhamel. Et vous? Moi, ma tri marche du tonnerre. Impeccable. 17h, ça vous fait. Et vous aussi, vous prenez une tri? Excusez-moi, je vous demande ça parce que... Ah non. Moi, je suis déjà passé à une pinta. Pinta, ça fait combien, ça? 5. 5? 5. J'en prends 5 de différents. Ça fait beaucoup avaler, c'est sûr. Mais moi, j'avais plus de T4. Dans ces cas-là, il faut mettre la dose. Ah, plus du tout, du tout. Ah non, plus du tout, du tout. Mais je tiens le coup, hein. Ah, regardez ce que j'ai l'air moi. Patin, je savais même pas que c'était possible. Et d'un côté, c'est rassurant. Moi, je suis toujours qu'à l'habit. Ça laisse de la marge. Et au-dessus, ça existe? Ça s'appellerait comment? Pour Vivant, avant même d'avoir l'idée finale du film, j'avais le titre. Ça me semblait être une évidence. Une évidence et même un point à atteindre. Vincent Boujon, réalisateur de documentaires. Même le point d'exclamation était là dès le départ. C'était une affirmation. On est vivant, on est là. Et c'était même presque une sorte de cri de guerre. On peut crier ça aujourd'hui. Une personne qui vit avec ce virus peut affirmer « je suis vivant, je suis là, je suis présent ». Et donc, ça veut aussi dire qu'on peut envisager un avenir, qu'on peut aller plus loin que ce titre. Je tenais à raconter ça. Et ça, c'est, je crois, effectivement très contemporain. Dans les années 95, quand les premières trithérapies sont arrivées, il y avait un espoir. Mais c'était « je suis encore vivant » ou « je suis vivant encore 2 ans ou 3 ans ». Enfin, on ne savait pas. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui, en 95, imaginaient que leur vie allait s'arrêter très vite, qui sont encore là aujourd'hui, et heureusement. Moi, à l'époque, ce qui a été le plus difficile, ça a été le premier traitement. Donc, on remonte en 98. Donc, j'étais tout seul aussi, pareil, j'avais 18 ans à l'époque. Moi, mon annonce avait été très, très particulière. J'avais fait ça à l'hôpital d'Edouard Herriot et au pavillon A, service anonyme et gratuit. Et je suis arrivé, donc j'ai fait mon test. Une semaine après, je reviens pour les résultats. Et je mentionnerai toute ma vie, j'étais dans la salle d'attente et on t'appelle par un numéro. Et là, on m'appelle, donc il y avait du monde dans la salle. La bonne femme, donc elle avait son bureau ouvert. Moi je rentre, et là elle n'avait pas encore fermé la porte, qu'elle me dit « j'ai vos résultats, c'est positif ». Et je me suis retrouvé face à ça, et avec les effets secondaires qu'elle est avec. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu cette sensation que j'allais mourir. Parce que la première prise s'est super bien passée, je me suis dit « ah ça y est, c'est nickel ». À l'époque j'étais à 27 comprimés par jour. Deuxième, le lendemain matin, ça allait, je dis « bah ça va, on en fait toute une... » une montagne des effets secondaires, mais il n'y en a pas. À la troisième, l'exorciste. C'est-à-dire la tête qui tourne. L'exorciste en bleu. Hein. Ah, c'était... je me suis retrouvé, je m'en souviendrai toujours, je me suis retrouvé pendant quasiment toute la nuit sur mes toilettes, à vomir de tous les côtés et avoir le sentiment que tu vas pas te relever de cette cuvette parce que tu es en train de te vider et que tu vas mourir, quoi. Et puis là, maintenant, après, il y a l'autre processus avec les effets secondaires à long terme qui apparaissent. Et tu payes avec le temps. Le cœur, les reins. L'estomac. J'ai un traitement maintenant à vie pour mon ulcère. Mais oui, c'était aussi ce qui m'intéressait dans cette aventure de film et de saut en parachute. C'est qu'il y a une forte similitude entre faire confiance... complètement confiance à un instructeur qui va devoir assumer la vie, la santé d'une personne, parce que en fait, à un moment donné, l'instructeur va dire « oui, tu es capable de sauter à 4 km dans le vide, je te sens suffisamment fort pour ça » ou « non, au contraire, il faut encore que tu travailles, c'est pas encore le bon moment ». Je trouve qu'il y a un rapport des fois assez similaire avec son médecin qui va accepter ou non de délivrer des nouvelles molécules parce que l'histoire de son propre VIH nécessite qu'on évolue ou pas. Il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires dans ces deux profils. Donc je voulais vraiment que l'instructeur joue en quelque sorte ce rôle-là de la personne soutien. C'est lui qui a beaucoup de connaissances, c'est lui qui la transmet. Et après, c'est les personnes qui vont devoir elles-mêmes gérer leur propre saut et se jeter dans le vide. Et en fait, une personne séropositive, c'est un peu ça au quotidien, c'est elle qui se gère, et donc il faut juste apprendre à vivre avec. Et voilà, et donc j'ai essayé de retrouver ça dans le film. Moi, je repose la même question à Vincent. Comment tu l'as vu ? Une question pour un champion. À quel âge ? À quel âge ? C'était à la veille de mes 22 ans. Jeune. Ouais, c'est jeune. Après, la particularité aussi de ma contamination, c'est que elle est intervenue alors même que j'étais très informé et que, enfin, pour moi, les modes de contamination, c'est, enfin, je les connais par cœur depuis des années. Et malgré ça, j'ai contracté le VIH. Et comment tu as réagi le jour de l'annonce ? J'ai pas réagi. Je suis allé au cinéma avec des potes. Et moi, là où j'ai vraiment pris conscience, c'est lorsque j'ai eu mon premier traitement, où j'ai fait des cauchemars, où je rêvais, qu'il y avait le feu chez moi, je hurlais. J'avais très peur d'en parler à ma famille et ça m'obsédait dans mes rêves. Et c'est là vraiment que j'ai eu le contre-coup et j'ai un peu déprimé pendant quelques temps, mais j'ai eu des amis très soutenants. Moi, je voulais vraiment faire un film de cinéma. Si j'ai fait ce film, c'est justement parce qu'il me manquait en fait celui-ci dans la filmographie des films qui traitent du virus en quelque sorte. Ce qui m'a plus influencé finalement, c'est les films d'aventure des années 40, de sauts en parachute, des expéditions qui partaient. Enfin, c'est plus vers ça que j'avais envie d'aller en fait. J'avais vraiment envie d'en faire des héros. J'avais vraiment envie d'embarquer le spectateur dans cette histoire et qu'à un moment donné, on puisse s'identifier à eux. Moi, quand j'ai su que le sida existait, je faisais les quais à 17 ans, donc en 84. Et un bonhomme qui doit avoir 45-50 ans, mon âge maintenant, qui m'a sorti un préservatif et il m'a dit de lui faire une promesse. Donc je lui ai demandé pourquoi je devais vous faire une promesse. Il m'a dit, fais-moi une promesse. Donc je lui ai dit, ouais, bah, je vous promets, mais qu'est-ce que je dois vous promettre? Et il m'a mis le préservatif dans ma poche, de ma chemise, et il m'a dit, fais-moi la promesse de ne toujours mettre des préservatifs parce que tu tombes dans une génération où vous allez tous tomber. Et le cauchemar, c'est qu'à l'annonce, je voyais toujours ce geste. Je le revoyais dans la nuit et l'imaginais. T'as pas tenu ta promesse. L'horreur. Dans les premiers festivals de cinéma gay et lesbien qui ont éclos dans les années 90, j'étais très surpris que finalement ce soit quasi exclusivement qu'un public gay. Et je comprenais pas trop parce que moi j'ai pu verser une larme sur Roméo et Juliette alors que je m'identifie pas à cette orientation sexuelle, on va dire. Donc je voyais pas pourquoi l'inverse n'était pas possible. Et avec Vivant, j'ai eu envie d'essayer ça, d'essayer de toucher des publics qui sont pas du tout en proximité avec des personnes concernées qui vivent avec ce virus. Donc c'était plutôt ça mon objectif. Voilà. Et ça s'en met ouverture. C'est normal ou c'est pas normal ? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe derrière mon dos ? C'est pas ouvert. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je m'en fous même. Moi, ce que je sens, c'est que... C'est pas normal. Procédure de secours. Je vais visualiser mes deux poignets. Je vais prendre ma poignée en... mousse. En mousse. Comme j'enlève mes bras, j'enlève mes appuis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus d'appui. Badaboum, badaboum, badaboum. Je me pète la gueule, la tête en bas, les pieds en l'air. Je suis dans la machine à laver là. Ça chute toujours. Procédure de secours. On appelle ça PDS. Alors, est-ce que c'est fréquent, les procédures de secours ? Je pense que non. Les statistiques disent une procédure de secours tous les 1000 sauts. Ça fait 10 ans que je n'en ai pas fait. Peut-être tout à l'heure, demain, avec vous, j'en sais rien. Par contre, ça peut arriver au premier saut. Moi, j'avais cette envie de raconter en fait une histoire avec des héros, parce que c'est comme ça qu'on construit un film. On a des personnages, on s'identifie aux personnages, on vibre avec eux, on les accompagne, on voit leurs évolutions, on est en empathie avec eux, et il faut avoir en face de soi des gens qu'on aime, qu'on est prêt à suivre. Donc moi, j'aime bien ce terme, héros. Allez Eric, prends ton pied. Eric, tu m'entends? Tu vas faire un quart de tour sur la droite par exemple. Va à droite, enfonce à droite encore. Enfonce à droite, enfonce la commande à droite, enfonce la commande à droite. Ok, super. je te laisse voler. Je trouve quand même que dans l'histoire du sida, il y a eu des sacrés héros, des personnes qui se sont levées contre vents et marées, qui se sont affichées à une période où on discriminait beaucoup les personnes séropositives. Et il y a eu vraiment des actes de bravoure, des gens qui n'étaient pas du tout destinés à ça et qui d'un coup ont dû s'emparer de questions... apprendre, se former, être sensible à des questions médicales alors qu'ils n'avaient pas du tout de bagages, qu'ils n'avaient même des fois pas fait d'études. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des histoires qui sont assez exemplaires. Donc, je trouve qu'on peut parler quelquefois de héros. Allez ! Et on se met debout ! Merci. Ça va, Théo? Tu portes mes lunettes? Bon alors? Oui, ça va. Ça envoie? Attends. T'as eu de la drée? Tu m'écoutes. Mais on va garder le harnais, on l'enlèvera au hangar. Ok. Moi j'ai un peu. Bon alors, tes impressions? Non, j'ai pas. Non? T'arrives pas? Je suis trop fort? Ouais, j'ai trop fort. Comment tu sens? Ah, ça envoie, hein? Ouais. Maître du monde, quoi. Alors, je sais pas si la parole des séropositifs manque. Ce qui est sûr, oui, c'est que il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire témoigner des personnes séropositives. Pourquoi? Parce que, à l'époque, enfin, j'ai envie de dire, dans les années 90, vous n'aviez plus rien à perdre. De toute façon, vous n'aviez plus de boulot, vous étiez à l'arrache. Donc, vous parliez du VIH. Voilà. Aujourd'hui, on voit que les discriminations, quand même, persistent dans le milieu du travail par rapport aux assurances. Et que parfois, pour les personnes séropositives, il est difficile, effectivement, de le dire. Et même, j'ai aussi des témoignages de proches qui m'ont dit « Mais je n'aurais jamais dû en parler parce que parfois, ça me revient au visage, en fait. » Et la difficulté, par exemple, dans la communauté gay, c'est qu'il y a une forme de sérophobie, notamment pour les jeunes séropos, à qui on dit « Non, mais écoute, qu'est-ce que tu as fait ?» Enfin, il y a un jugement extrêmement fort sur les personnes nouvellement séropos qui est prégnant. Hein. Malgré le fait qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, le répéter et le marteler, une personne séropositive en traitement efficace ne transmet plus le VIH. Et on voit même aujourd'hui des études apparaître qui montrent qu'une personne séropositive a même une durée de vie, enfin une espérance de vie, peut-être plus longue, un peu plus longue que les personnes séronégatives parce qu'elle est suivie. Et du coup, on prévient un certain nombre de complications de la vie puisque les personnes séropositives vieillissent, mais finalement, elles vieillissent pas trop mal, en tout cas sur un plan médical. Après, encore une fois, sur un plan social, c'est plus compliqué. Tu gardes toujours les yeux fermés? Je suis avec toi. Je suis bien avec toi, les yeux fermés. Honnêtement, Théo est beau. Ce n'est vraiment que quand on a présenté le film que j'ai découvert que quelque chose comme 60% des spectateurs, et surtout hétérosexuels, ignoraient qu'il existait des traitements post-exposition et qu'une partie de la presse l'ignorait aussi. Et donc nous a accusé de vouloir expliquer aux gens. Alors que pas du tout. J'ai été quand même un peu stupéfait, je dois dire, de découvrir que l'ignorance à ce point de tellement de gens du fait que ça se passe comme ça. Et puis quand même, le public gay, quand il voit le film, il se dit pas « Ouais, pourquoi on m'explique ça ?» Après, il y en a que ça fait chier parce qu'ils aiment pas les films trop réalistes ou trop documentaires. Mais il y en a plein qui nous ont dit « Ouais, c'est notre vie, quoi. C'est juste ça. » Et j'ai trouvé ça assez irritant, je dois le dire, d'une partie de la presse, que ces gens soient pas capables, je suis désolé de le dire, c'est des hétéros, de se projeter dans ce que c'est que le vécu d'un homosexuel, et non pas de dire que c'est un film qui veut, comment dire, faire de la pédagogie, et au lieu de dire, non, c'est un film documentaire, c'est un film qui raconte la vie des gens. Franchement, on prend n'importe quel film hétéro dans lequel on a une scène d'accouchement, et ils vont tous pleurer en disant « Ah, je l'ai vécu !» Personne ne va dire « C'est chiant ce passage où on comprend comment une femme accouche !» Je veux dire, jamais. Franchement, c'est irritant. Et quand on travaille sur le sida, ce qu'on a fait depuis longtemps, dès qu'on commence à parler un peu précisément justement des traitements, de ces choses-là, par exemple dans Drôle de Félix, un des trucs sur lequel on était très obsessionnel, c'était le pilulier. Et la prise régulière des médicaments et à l'écriture, et au tournage, et au montage, on a fait en sorte que ce soit toujours montré, parce que c'était essentiel pour nous. C'est pour renvoyer aux gens qui sont séropositifs un vrai vécu. C'est ça qui nous intéresse, c'est ce vécu intime. try to stay afloat. Now don't upset yourself due to the change in my mood. I'm hard to please. Sometimes I'm hard to please. Alors il reste un film à faire, mais je crois qu'on le fera pas. C'est le film, effectivement, qui se situe en fait entre Jeanne et Drôle de Félix, et qui est un peu traité dans Drôle de Félix, mais pas complètement. C'est cette génération de gens qui étaient séropositifs, qui avaient construit toute leur vie sur le fait qu'ils allaient mourir dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, et qui tout d'un coup ont pris des thérapies. Et moi, j'ai vu autour de moi des cas... Bon, ça permettrait de faire des comédies incroyables, hein, parce que des cas de dépression totale. C'est-à-dire, tout d'un coup, on dit, mais... Putain, j'ai pas cotisé pour ma retraite, quoi. Je veux dire, moi, j'ai jamais pensé que j'allais vivre jusqu'à 70 ans. Et maintenant, on me dit que je vais vivre jusqu'à 70 ans. Et ils étaient en déprime totale. Ce qui, quand même, peut paraître complètement paradoxal. Et en même temps, c'est réel. C'est vraiment. C'est une question qui a jamais été traitée, mais elle est très compliquée. Je pense que. Bon, de toute façon, franchement, je crois vraiment qu'on va mettre la pédale de statut. Mais c'est un sujet insensé. C'est quand même un sujet incroyable. Et il y a eu plein de gens, je voyais autour de moi, qui ne savaient plus quoi faire de leur existence. Et tout d'un coup, on vous rajoute 30 ans de vie. Avec l'arrivée du sida, il y a une chape de plomb qui s'est mise et on a un peu dit aux gays, ben maintenant, soyez sages, ayez une sexualité mais avec capote, arrêtez un peu de faire des conneries dans tous les sens. Enfin, et donc on est allé vers une sorte de moralisation sexuelle, en mon sens, qui nous a accompagnés et finalement aujourd'hui on est un peu sage. Et l'arrivée de la PrEP, ça ébranle un peu tout ça. On peut aujourd'hui dire, ben voilà, on peut ne plus se protéger avec le préservatif pour avoir des relations sexuelles quand on est gay. Il y a tout un pan de questionnement qui arrive à nouveau. Je trouve que ce serait intéressant de s'en saisir, de réfléchir, de porter des paroles, de garder une empreinte de cette nouvelle histoire. Parce que j'espère bien que dans quelques années, ce traitement sera obsolète parce qu'on aura trouvé un vaccin, qu'on aura éradiqué complètement l'existence de ce virus. Et ce sera intéressant de voir comment on en parlait aujourd'hui. Et je serais très heureux de pouvoir traiter de ce sujet-là parce que ça renvoie à des questions de liberté sexuelle aussi qui peuvent de nouveau se poser. Il y a une station un petit peu plus haut, rue Saint-Denis. C'est là que je me gare en général, j'aime bien marcher un petit peu avant d'entrer. Je regarde, c'est des vélos. Ouais, le temps que ça charge, on y sera. Je trouve que tu as un très beau sexe. Non, si, si, très beau. Je sais pas trop comment dire, il m'a plu tout de suite. Moi, je trouve qu'on peut tomber amoureux du sexe d'un garçon. J'ai très envie de revoir le tien. Cette épidémie n'est plus du tout la même. Vivre aujourd'hui en tant que séropositif, ce n'est plus du tout la même expérience. Aujourd'hui, y compris pour des vieux séropos comme moi, c'est plus du tout la même expérience que 90, 95, où vous passiez votre temps à l'hôpital, faire des examens, avec toujours cette crainte de choper une infection opportuniste, etc. On n'est plus du tout dans la même épidémie. Il faut le rappeler, les séropositifs en traitement efficace sont en bonne santé, globalement. Tant mieux, parce que ça veut dire quand même que la maladie, c'est plus la même. Le gros problème qu'on a en France, c'est le dépistage. Il y a encore 30 000 personnes qui ignorent qu'elles sont séropositives. Si les gens ont un frein, enfin si les gens craignent de se faire dépister, c'est qu'ils ont aussi encore cette image de « Oh là là, mais je vais devenir séropo, je vais perdre mes copains, je vais perdre ma famille, je vais plus avoir de vie sexuelle, je vais plus avoir de vie à bon, enfin, etc. » C'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes, mais franchement, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions de drame, d'hécatombe qui étaient réelles. On voyait mourir des gens autour de nous, et on pensait nous-mêmes qu'on allait, y passer. Aujourd'hui, le fait qu'on en parle moins, mais c'est aussi parce que, quelque part, la maladie s'est apaisée, j'ai envie de dire, j'aime pas le mot banaliser, mais chez les personnels même, ben voilà, on y pense moins souvent, et tant mieux. Alors, évidemment, là, on parle des pays développés, occidentaux. Il faut aller dans certains pays moins développés pour voir qu'encore beaucoup de personnes séropos n'ont pas accès au traitement. Et ces paroles-là, elles sont encore très importantes. Quand la création raconte le sida, traiter les traitements. Avec Olivier Ducastel, Jacques Martineau, Christophe Martet et Vincent Boujon. Avec des extraits des films d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Théo et Hugo dans le même bateau, Né en 68, Jeanne et le garçon formidable,